Voilà, bien-aimés, nous entendons Jésus encore nous parler du règne de Dieu. Et encore, il continue cette métaphore qu'il avait commencée il y a 2 jours déjà sur la parabole du semeur. Il nous parle de cette parole de Dieu, de ce semeur qui sème partout, et puis cette parole qui peut tomber un peu sur tout type de sol, mais qui ne germe et ne porte du fruit que lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, donc sur un cœur qui a été travaillé, un cœur qui cherche par toutes ses forces à désherber tout ce qui ne va pas, un cœur qui cherche à retourner sa terre, hein, et à se laisser travailler par l'Esprit Saint. Et donc aujourd'hui, eh bien, il nous raconte comment ça se passe une fois que la graine a été semée en terre. Et il nous dit, voilà, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Ça ressemble à ces petites graines qu'on sème en terre. Vous voyez, ces graines, elles sont toutes petites. Et c'est un grand mystère de voir que dans ces toutes petites graines, eh bien, il y a toute la plante qui est déjà là. Tout est déjà là. Et c'est ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre, c'est que le royaume de Dieu grandit de manière mystérieuse. C'est-à-dire qu'il grandit, la manière dont il grandit dépasse notre entendement, ce que nous pouvons en imaginer, ce que nous pouvons comprendre. Et qu'il faut que nous sachions qu'au fond de nous, si nous travaillons notre cœur, si nous essayons d'écouter la parole de Dieu vraiment avec un cœur disposé, la parole de Dieu fait son œuvre. Elle travaille au fond de nous. Il faut que nous ayons confiance en ça. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous ayons confiance en ça? Si nous n'avons pas confiance en cette vérité, cette parole qui a l'air de rien parfois, vous savez, petite parole qui tombe, qui touche notre âme, et nous sentons qu'elle vient toucher quelque chose de très profond en nous. Si nous ne croyons pas que cette parole fait son œuvre en nous, eh bien, nous l'empêchons effectivement de faire son œuvre. Nous mettons des ronces dessus. Alors que si nous faisons confiance à Dieu, disant « Je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie. Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux me dire, mais je te fais confiance, je sais que ta parole fera son œuvre et qu'un jour je verrai les fruits. » Alors nous laissons Dieu agir. Vous voyez ce qu'il dit, « Un homme jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. » La semence germe et grandit et il ne sait comment. Il ne sait comment. Enfin, ça, c'est des choses que je constate tous les jours. Je constate tous les jours que la parole fait son œuvre en chacun d'entre nous, que les brebis qui me sont confiées, eh bien, elles changent. La grâce travaille leur cœur. Elles changent et il y a des choses qui se guérissent, mystérieusement, je ne sais pas comment. Et d'entretien en entretien, je vois que les cœurs changent. Alors que si les cœurs sont trop fermés, sont trop persuadés que de toute façon le Seigneur ne peut rien pour eux, eh bien je vois que ça ne change pas, effectivement. Parce qu'on met un frein à la puissance de Dieu. On empêche la puissance de Dieu d'agir. Alors, eh bien voyez, il faut que le Seigneur nous donne cette confiance, qu'il nous donne cette vous voyez, cette image, elle est très belle, il faut que nous la gardions en tête. Parce que peut-être que nous ne la comprenons pas entièrement aujourd'hui, progressivement nous la comprendrons, qu'elle se déploiera en nous. Et alors, pour bien comprendre que la puissance de Dieu est incroyable, eh bien Jésus va plus loin, ce n'est pas seulement ce grain de blé, il nous parle de cette petite graine de moutarde. Vous voyez, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement comme un grain de blé, c'est carrément comme une graine de moutarde, la plus petite des graines. Et puis quand vous l'achetez en terre, ça fait un arbre immense. Hein, vous avez vu ces arbres à moutarde, là, ça c'est grand, c'est très grand, immense, avec des ramifications partout, tant et si bien que eh bien, les oiseaux peuvent y faire leur nid. Et donc nous devons croire à ça, vous voyez, très humblement, cette petite graine de moutarde, j'ai toujours plaisir à penser que c'est de la foi humble, c'est pas une petite foi. C'est justement parce qu'elle est humble qu'elle est grande et qu'elle renferme des grands trésors. Elle est très humble. Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu agis. Je le sais, j'en ai la certitude. Même si j'ai l'impression que c'est le diable qui est partout, je sais que toi, tu es dans mon âme et que tu agis en moi et que tu as une puissance qui dépasse totalement mon entendement et que même si j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, eh bien tu peux faire de grandes choses, des choses qui me dépassent infiniment, dont je ne verrai pas toutes les ramifications au cours de ma vie, mais plus tard je le saurai. Je saurai tout ce que tu as fait dans ma vie. C'est comme ça que le royaume de Dieu progresse. Vous voyez, je pense à Mère Teresa. Mère Teresa qui vivait pendant 40 ans, vous savez, elle a vécu ce qu'on appelle la nuit de la foi. Elle ne voyait pas. Elle ne sentait pas l'amour de Dieu. Elle avait l'impression que Dieu ne l'aimait pas, que Dieu s'était éloigné d'elle, que Dieu était absent. Et au fond d'elle, elle savait au fond d'elle. Elle avait cette confiance infinie qui fait que même si elle arrivait devant le Saint-Sacrement, qu'elle doutait totalement de la présence de Dieu dans l'hostie, vous vous rendez compte, elle doutait. Parfois le matin, elle arrivait, elle se prosternait, puis elle se tournait vers son père spirituel qui était toujours là. Puis elle lui demandait, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Le Saint-Sacrement était exposé. Et puis aussitôt, elle se reprenait, elle disait, bon ben, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et elle lui disait son amour, alors qu'elle ne sentait pas cet amour. Elle, très certainement qu'elle devait confesser sans cesse de ne pas aimer Dieu, alors qu'elle l'aimait totalement. Et vous voyez, c'est le grand mystère, c'est le mystère de cette graine toute petite, qui n'a l'air de rien, et qui comporte tout le royaume de Dieu. Et vous voyez, l'œuvre de Mère Teresa. Plus elle était petite, plus elle était recroquevillée, plus elle était humble, comme cette graine de moutarde, et plus son œuvre a grandi et s'est étendue sur toute la terre. Et aujourd'hui, on parle encore d'elle avec grande admiration. Elle a été canonisée, et puis on l'a pris. Et puis il y a encore des milliers et des milliers de sœurs qui suivent son exemple. Alors, voyez, il faut cette confiance. Ça, c'est pas réservé à Mère Teresa, hein. C'est pour chacun, chacune d'entre nous. Une confiance éperdue dans l'action de Dieu en nous. Quoi qu'il arrive, sa parole est semée dans notre cœur et nous savons qu'elle portera son fruit si nous le laissons faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.